Cet évangile, on vient de voir et d'entendre Jésus qui entre dans le temple de son Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un peu du ménage, on pourrait dire. Il tasse et il chasse de façon pas mal résolue quand même. C'est l'une des rares fois où on voit Jésus avec autant de vigueur chasser les venteurs du temple. Et il y a cette phrase, « L'amour de ta maison, j'ai une jalousie pour l'amour de ta maison. » Jésus est épris de la maison de son Père. Il faut se remémorer quel est le sens du temple pour les Juifs. Le temple, le premier temple à Jérusalem, a été construit par le fils de David. Donc, on parle un peu de l'an, en fait, près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, le fils de David, Salomon, et le temple a été cet édifice qu'a voulu David, son père, pour abriter l'arche, l'arche de l'Alliance. L'arche, c'était un objet qui avait été construit, mais à la demande du Seigneur, avec toutes sortes de consignes précises, mais c'était le lieu où se tenait la présence du Seigneur. Et c'était en fait, l'arche avait accompagné le peuple dans sa sortie et sa traversée du désert pour aller dans la terre promise. Cette arche d'alliance avait été, d'une certaine façon, signe que Dieu est proche des misères du peuple et le conduit vers la terre promise. Donc le temple a été construit avec splendeur, le temple de Salomon. Mais ensuite, petit à petit, les gens, les Juifs, ont développé de plus en plus un culte plus extérieur qu'intérieur. Et les prophètes sont survenus à différentes périodes pour avertir, pour prévenir, « Attention, vos lèvres m'honorent, vous m'offrez des béliers, mais votre cœur est loin de moi. » Et il y a toutes sortes de rapines, de jalousie, de discorde dans vos intérieurs, toutes sortes d'impuretés. Donc les prophètes ont appelé à la purification intérieure du culte, mais cette purification a tardé à venir, n'est pas venue même, et ils se sont enfoncés dans toutes sortes d'iniquités, d'injustices, et si bien que le malheur prédit est survenu, le temple a été assailli par les ennemis voisins et a même été détruit. Et là, c'était une catastrophe, une grande crise spirituelle, parce que le temple, signe de la présence de Dieu parmi nous, avait été détruit. Et pourtant, Dieu avait accompagné son peuple dans son exil. Il a accompagné son peuple dans son exil par cette image de la nuée que Ézéchiel avait vue en vision. Mais bref, après cet exil, après cette déportation, ces grands pleurs de tristesse, Dieu a promis de rebâtir le temple, a promis de reconstruire ce qui avait été détruit. Il a appelé évidemment aussi à une nouvelle fidélité pour ce nouveau temple. Et de fait, la promesse s'est accomplie, le temple a été rebâti et à nouveau, le peuple juif a pu offrir des cultes. Mais le danger de faire des cultes trop extérieurs et pas assez intérieurs est quand même revenu jusqu'au temps de Jésus. Au temps de Jésus, de quoi Jésus se plaint? Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de trafic, alors que ça doit être une maison de prière. Et finalement, Jésus, c'est là qu'il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et c'est là que Jésus déplace le sens du mot temple. Oui, ce temple de pierre où il priait était signe de la présence de Dieu, mais maintenant il y a un nouveau signe de la présence de Dieu parmi eux, et c'est Jésus avec son corps et son âme. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Il parlait de son corps, nous dit le texte. Et de fait, ils ont détruit son corps. Ils l'ont pris, flagellé, crucifié, tué. Mais Dieu l'a relevé le 3e jour. Donc, il y a un déplacement qui s'opère du temple de Pierre au temple qui est la personne même de Jésus. Jésus, signe de la présence de Dieu parmi nous. Mais encore, il y a un autre déplacement ensuite qui s'opère tout de suite après. Les apôtres vont comprendre que ce temple qui était de Pierre, ce temple qui est maintenant Jésus parmi eux, c'est en fait aussi tous les baptisés et tous les chrétiens qui, associés à Jésus-Christ, deviennent eux-mêmes corps du Christ et deviennent eux-mêmes temples habités par l'Esprit-Saint. Donc, les 3 paliers de sens, le temple de Pierre, signe de la présence de Dieu, ce temple de Pierre dépassé par ce nouveau signe, Jésus lui-même, présence de Dieu, mais nous-mêmes, hein, qui faisons partie de cette Église, qui est le corps mystique du Christ, on est temple du Seigneur, appelé à être signe pour notre monde, pour les gens de vos classes, pour les gens de vos collègues de travail, de vos familles. Vous êtes appelé à être signe de la présence de Dieu dans ce monde en 2014. Mais on est un temple, certes, mais un temple qui parfois, comme le temple des Juifs, n'est pas toujours si honoré que ça. Hein, parfois, il y a toutes sortes de choses, de vendeurs en nous, toutes sortes de pensées qui n'ont pas d'affaires d'être là, des petites méchancetés, des mesquineries, des médisances, des pensées impures, toutes sortes d'affaires qui ne devraient pas siéger dans ce temple sacré. Hein. Saint Paul nous dit cette phrase, « Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. » Ce qui a été vrai pour l'Ancien Testament, le temple qui a été détruit, qui est appelé à être reconstruit, est encore vrai aujourd'hui. Et c'est vrai, entre autres, pour l'Église, mais aussi pour chacune de nos personnes. Parfois, notre vie peut sembler comme une ruine, comme un temple en ruine, en fait, plus ou moins blessé de par les épreuves qu'on a vécues, les relations blessantes qu'on a subies, ou peut-être même par les bêtises qu'on a faites, on peut se dire « Wesh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Je suis un peu comme une ruine. Je me suis déjà dit ça, moi, à un moment donné, dans les années 2000-2001. Mais le Seigneur, ce qu'il me disait, vous connaissez le crucifix de Saint François, hein, rebâtis ma maison. Même si on est une ruine, il nous appelle à travailler, à être artisan de la reconstruction de son Église, de sa maison, mais de ma personne, qui est la première maison où il veut habiter. Donc, je vous donne des petites clés. Je vais vous donner 7 clés de reconstruction pour rebâtir le temple, la maison du Seigneur. Ce temple à la fois que nous sommes en tant qu'individus, en tant que personnes, mais aussi que nous sommes en tant que communauté chrétienne et Église. Première clé, toute simple, croire en la promesse de Dieu. Croire ce qu'il nous dit dans sa parole. Et la première chose qu'il nous dit, tu es temple de Dieu. Donc, pour croire à la restauration, je dois croire que je suis ce temple de Dieu. Mais je dois aussi croire à sa promesse. Hein? Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Eh bien, même si je me suis détruit, peut-être pas juste en 3 jours, peut-être en 3 ans, ou peut-être en 30 ans, même si je me suis détruit pendant tout ce temps-là, est-ce que je crois à la résurrection? Est-ce que je crois que Dieu peut me rebâtir, me relever? C'est vrai pour nous personnellement, pour notre Église. Donc, première clé, croire en la promesse de Dieu. Deuxième clé qui est liée à la première, pour croire en la promesse de Dieu, je dois me souvenir. Donc, la mémoire, activer ma mémoire. La mémoire, mon espérance a besoin de ma mémoire. La mémoire de quoi? La mémoire des bienfaits du Seigneur, la mémoire de ses promesses, mais aussi la mémoire de ses bienfaits qu'il a déjà accomplis. Il a déjà libérer le peuple de Dieu. Il a déjà rebâti le temple qui avait été détruit à Jérusalem. Il a déjà relevé l'Église dans des périodes de crise de toutes sortes, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, dans la modernité et encore en 2014, il le fait. Il m'a déjà relevé, il a déjà relevé d'autres, donc mémoire de ces bienfaits très concrets dans la vie des personnes. Donc deuxième clé pour rebâtir la maison de Dieu, c'est faire activer notre mémoire. Troisième clé, hein, un édifice, ça a des fondations. Eh bien, revenir aux fondations, repartir des fondations. Et la fondation, c'est quoi? C'est le Christ Jésus. Paul nous le dit. Christ Jésus, c'est la pierre angulaire. Il faut repartir du Christ. C'était ce que Jean-Paul II avait dit dans sa lettre pour le troisième millénaire. Il donnait un plan de match pour les prochains 1000 ans. Repartir du Christ, c'est du solide. C'est du roc. Regardez la vie de Jésus, lire les évangiles. Se laisser déranger par lui. Quatrième clé pour rebâtir, collaborer avec la miséricorde de Dieu. Collaborer avec la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est une clé capitale pour la reconstruction. Ce n'est pas une œuvre humaine, puis ce n'est pas à cause de nos mérites qu'on va réussir à rebâtir. Souvent, c'est plutôt à cause de nous que ça a été démoli. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous poursuit. Mais ce qu'il faut, il faut collaborer à sa miséricorde, donc pas y faire obstacle, puis l'aider à mettre le péché en dehors de notre vie. Nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises actions. Décider, fini, je t'anne, je coupe. Suffit. Seigneur, viens régner avec ta paix en moi. C'est la quatrième clé. La cinquième clé, Jésus-Christ, c'est le temple nouveau. Et de ce temple, nous disait la première lecture, jaillit quoi? L'eau vive, l'Esprit Saint. Jésus est ce temple duquel jaillit l'Esprit Saint. Il nous faut appeler l'Esprit Saint. Il faut ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint qui veut rebâtir. C'est l'Esprit Saint qui nous purifie, encore une fois, mais il ne fait pas juste nous purifier. Il nous donne le plan de match pour construire. C'est où qu'il faut mettre la poutre pour qu'elle soit solide, pour pas que ça tombe. Prions l'Esprit Saint à chaque matin. Chaque matin, disons-lui, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, je ne sais plus trop comment faire pour que ça soit solide dans ma vie. Viens-t'en, montre-moi-le. Sixième clé de reconstruction, parce que la reconstruction n'est pas que individuelle ou personnelle. La reconstruction, elle est ensemble. Et pour que l'autre ait le goût de se rebâtir aussi, il faut rendre témoignage. Le témoignage, c'est la sixième clé de la reconstruction de la maison de Dieu. Parce que si je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui ou cette fin de semaine, hein, je sais que la fin de semaine passée, certains parmi vous sont allés à la fin de semaine jeune, beaucoup. On était près de 80, beaucoup vous êtes là. Et j'ai entendu des beaux témoignages de ce que l'un ou l'autre a vu. Parlez-en autour de vous, dites-le, parce que le déclic, les guérisons intérieures que Dieu a fait dans ma vie, lorsque je les dis humblement à ceux qui m'entourent, peut faire naître en eux une espérance. Peut faire naître en eux une espérance, se disant, waouh, si Dieu a fait ça pour un tel, une telle, peut-être qu'il peut le faire aussi pour moi. Donc, sixième clé pour la reconstruction, rendre témoignage. Et j'ajoute une septième clé que je n'avais pas dit ce matin aux autres messes, mais qui m'est venue durant la journée, qui est une nouvelle clé que Dieu nous donne ces derniers temps. C'est la théologie du corps de Jean-Paul II. Jean-Paul II nous a laissé un trésor dans ses catéchèses sur la vie sexuelle et sur la vie interrelationnelle entre l'homme et la femme. C'est un bijou, un trésor que l'Église n'utilise pas encore assez, mais c'est un trésor de reconstruction, parce que l'une des choses qui nous blesse le plus et qui a le plus blessé notre être, c'est tous nos écarts relationnels et même, disons-le, sexuels ou affectifs. C'est l'une des choses qui nous blesse le plus si c'est mal fait. Au contraire, c'est l'une des choses qui construira le plus si c'est fait dans le dessein d'amour de Dieu. Mais pour ça, il faut comme un que le Seigneur nous éclaire, parce que comment on fait pour aimer sans se cogner le nez, sans se péter la gueule? Eh bien, la théologie du corps, lisons les différents livres qui sont écrits récemment, il y en a divers en anglais ou en français, lisons, et même aussi il y a le groupe de prière, j'en reparlerai juste après, mais où on approfondit ces enseignements et on réapprend à s'aimer, réapprend à s'émerveiller, waouh! Un homme, c'est magnifique, un homme. Une femme, waouh, c'est beau, une femme, dans tout son être, dans toute sa féminité aussi, dans son appel à la maternité. Redécouvrons toute la beauté du plan de Dieu. Et ça aussi, Je suis convaincu que pour notre temps, c'est une septième clé capitale pour la reconstruction. Vous vous souvenez des sept clés? La première, croire à la parole de Dieu, à ses promesses. Deuxième, la mémoire. Troisième, Jésus-Christ. Quatrième, la miséricorde, collaborer avec la miséricorde de Dieu. Cinquième, l'Esprit Saint, sans qui on ne peut rien. Sixième, rendre témoignage. Septième clé, devenir familier avec ce trésor, cet héritage que nous laisse Jean-Paul II, qui est la théologie du corps. Oui, Seigneur, merci de tous ces outils, ces clés que tu nous donnes, et viens nous rebâtir dans tout notre être, toi qui nous aimes. Par cette Eucharistie, Jésus, viens nous visiter nos temples, nos corps. Transforme-nous par ta présence. Amen.